Que c'est pas ma guitare qui m'a collé sur ton chemin. Moi j'en étais bien loin. Peut-être un clin d'œil dans le ciel ou un soir Jack Daniel. Un Macy qui m'aurait dit Macy va faire un tour au Tennessee. Un peu de poussière d'or sur tes bottes et sur ton corps. Ce sera très beau sur le tableau que tu dois finir. Chanteur Donkey Donk qui fait pleurer les dames. Juste une larme qui se perd sur ta joue et dans ma bière. Ce sera très beau sur le tableau que tu dois finir.